dans les rues de Bagdad, il s'embrasse sur la bouche. Saddam Hussein est amoureux de Bush. Ils font la guerre, c'est vrai, parfois. Faut les comprendre, ils ont pas le choix. C'est pour faire taire tous les ragots qui disent que l'amour, c'est pas pour les salauds. Dans les rues de Bagdad, ils s'embrassent sur la bouche. Saddam Hussein est amoureux de Bush. S'ils font la guerre, c'est qu'il y a Georgie qui est pas content. Avant-hier, Saddam lui a piqué sa brosse à dents. Bush ne pouvait plus se laver la bouche. Dans les rues de Bagdad, il s'embrasse sur la bouche. Tu pues de la gueule, lui dit Saddam, mais moi aussi. On est fait l'un pour l'autre, on s'aimera jusqu'au paradis. Ouais, et je t'aime chercher. Je t'adore mon Saddam. Ouais, oui, je t'aime chercher. Je t'adore mon Saddam. Chercher. Saddam. Chercher. Saddam. Chercher. Saddam. Chercher. Nous deux pour la vie. Dans les rues de Bagdad, ils s'embrassent sur la bouche. Saddam Hussein est amoureux de Bush. Ils comprennent pas pourquoi ça leur tombe sur la gueule. Ils voulaient juste un petit moment pour se retrouver seuls. Mais accroupis dans la boue, dans un bruit qui rend sourd, nos deux héros accomplissent le miracle de l'amour. C'est un message de paix pour tous les hommes. Le petit Saddam, le petit Georgie, crying for freedom, c'est un message de paix pour tous les hommes. Le petit Saddam, le petit Georgie, crying for freedom, c'est un message de paix pour tous les hommes. Le petit Saddam, le petit Georgie, crying for freedom, c'est un message de paix pour tous les hommes. Le petit Saddam, le petit